franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Margaret, je te bande les yeux, je t'attache les mains dans le dos et je vais te faire une grosse surprise en t'emmenant faire un tour sur la rocade de Lyon. Chouette, divine surprise! Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, puisque figure-toi que le pape Innocent IV s'y est arrêté. Alors, non pas sur la rocade, mais à Lyon. Lyon, sa cathédrale, son centre historique et sa place du marché. Alors, c'est à Lyon que nous partons. Eh oui, Marga. Eh oui, Philippe, pour y deviser avec Coralie de Lyon, qui a un problème. Moi aussi, j'ai un problème, Marga. Je crois bien que je t'aime. Alors, Coralie, qu'est-ce que vous nous voulez ? Bonjour, docteur. Bonjour, Margaret. Docteur. Bonjour. Bonjour, Coralie. Que faites-vous dans la vie, Coralie de Lyon ? Je suis chercheur au CRAL, qui est le Centre de Recherche d'Astrophysique de Lyon. Ah oui, vous êtes astrophysicienne. Alors, vous voyez, je connais bien. Oui. Le CRAL, c'est une unité mixte de recherche. Ah, c'est bien que ce soit mixte, c'est bien. Parce que le côté, les filles là, les garçons là, je trouve que c'est un peu vieux jeu. Enfin voilà, ça n'engage que moi. Bon. Et enfin, c'est mixte dans le sens où il y a plusieurs activités. Oui. Le CRAL est surtout renommé pour sa recherche sur la physique des plasmas denses appliquée aux étoiles de faible masse, aux exoplanètes et aux naines brunes. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah si, oui. Oui, bien sûr, c'est comme... comment elle s'appelle? Oui. Comment oui, non, non, elle est blonde. Ah oui, c'est vrai. Alors, vous habitez où à Lyon, qu'on en sache un petit peu plus sur vous? Je suis à la périphérie de Lyon. Dans une maison? Oui, dans une maison. Mmh. Enfin, je ne suis pas très loin du centre de recherche. On a une échéance très importante pour nous. On pilote actuellement le consortium européen qui réalise l'instrument MUSE. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Enfin, on doit livrer un spectrographe intégral à l'Observatoire de Lyon. Vous avez un jardin? Pardon? Avec votre maison, vous avez un jardin? Oui. Ah, parce que nous aussi. Moi, je ne pourrais pas vivre sans mes plantes. Vous ne trouvez pas que ça devient n'importe quoi, les saisons? On ne sait plus quoi planter, ni quand. Oh, disons qu'à l'échelle de l'univers, il y a toujours eu des variations climatiques. Ouais. Bon, en attendant, tous mes bourgeons de fruitiers, ils ont gelé en avril. Hein. Ah, moi, je n'ai pas de fruitiers, j'ai un tout petit jardin. Et un jour, vous verrez, il n'y aura plus de fruits. Hein. Il n'y aura plus que des jus de fruits en boîte. On sera peut-être obligé de migrer vers une autre planète, non? Bon, je dis ça en souriant, mais en même temps, ça fait partie d'un travail très sérieux du CRAL hein, sur la caractérisation des planètes habitables, sur l'énergie, la matière sombre, sur la formation et l'évolution des galaxies. Et oui, et même sur l'étude des populations stellaires. C'est intéressant ce que vous dites. Ah ben oui, hein, c'est vrai que ça pose des questions presque sans réponse. Non, ça se calcule, ça. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on en sait tellement peu. Oh ben quand même, vous connaissez au moins votre COS. Comment ça? Ben, vous avez combien de mètres carrés de jardin? Ah oh, ben alors là, ça y est. Alors Philippe est lancé, vous allez voir, c'est passionnant. Au début, je pensais que j'y comprendrais rien. Puis alors, il a cette façon de rendre tout vulgaire. De vulgariser. Oui. Votre COS, coefficient d'occupation des sols, il est de combien? Ah, vous savez, je... Alors c'est simple. Écoutez, vous allez voir, c'est... Si votre jardin est trop petit, autant viabiliser au maximum les mètres carrés. Donc si votre COS est de 2, par exemple, et que votre maison mesure, disons, 200 mètres carrés, ça veut dire que vous pouvez doubler la surface de votre maison. Alors, soit vous avancez sur votre jardin en faisant une jolie véranda en PVC, soit vous augmentez en hauteur en rajoutant un étage avec un petit toit-terrasse, par exemple. Et alors là, bonjour la plus-value. Il est fort, hein. C'est votre résidence principale? Oui. Ah bah écoutez, raison de plus, comme ça vous ne paierez pas d'impôt sur la plus-value. Oui, on est très bien comme ça, hein. C'est une vieille maison du 19e, je ne vais pas faire un toit-terrasse. De toute façon, je loue. Pourquoi? Ben, c'est cher, j'aime mieux le principe. Pour vos enfants, c'est pas très rassurant, c'est important de leur transmettre quelque chose. Déjà, avec leur papa qui travaille aussi au CRAL, on leur a transmis notre passion de l'astrophysique, de certaines valeurs éthiques. Ouais. Oui, c'est bien les passions, hein, mais c'est pas ça qui fait bouillir la marmite. Bah déjà si, on peut vivre de sa passion, et j'espère qu'ils continueront à le croire. Vous-même, vous faites un métier de passion, docteur. Quand ? Bah alors ? Ah, à la radio ? Oui, mais c'est très rare, ça. Oui, puis Coralie, ne perdez pas de vue que ça représente que 10 minutes par jour. Le reste du temps, on est au cabinet. Oui, c'est mal de faire croire aux jeunes qu'on peut vivre de sa passion en écrivant des ouvrages de science-fiction. Les trois quarts des gens travaillent uniquement pour gagner leur vie. Bon, je crois qu'il vaut mieux que j'en vienne directement à la raison de mon appel. Eh oui, parce que c'est bien joli de nous raconter des histoires de Capitaine Kirk et autres Monsieur Spock, mais nous ne nous occupons que des terriens. Voilà, j'appelais parce que mon fils fait des violents cauchemars qu'il maintient éveillé une bonne partie de la nuit. Tu m'étonnes. Et c'est la psychothérapeute qui vous le dit. Mais, le temps terrestre n'est pas élastique, comme vous le savez sans doute, et nous en sommes déjà à la fin de notre émission. Voilà, alors merci. Merci. Allô, Houston, ici la Terre. Alors, petite demande à nos chers auditeurs, allez droit au but, s'il vous plaît, et évitez de monopoliser l'antenne avec des sujets qui n'intéresseraient que vous-même. Voilà. Hein, beaucoup de gens se plaignent de la qualité de vos témoignages. Cette émission, c'est vous qui la faisiez, car nous sommes à votre écoute. Coûte que coûte. Merci Yann Chouquet pour sa terrestre mise en onde. Merci à toi, Philippe. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.